C'était un petit sapin, pique, pique, pique. C'était un petit sapin, pique, pique, bien. Il vivait dans la forêt, entouré de grands arbres, qui sans arrêt se moquaient et le trouvaient bien laid. Quand parfois il soupirait, j'avais cœur de marbre, les grands arbres s'agitaient et leurs branches riaient. C'était un petit sapin, pique, pique, pique. C'était un petit sapin, pique, pique, bien. Quand un jour il demanda qu'enfin on lui explique la raison de ses tracas, il entendit cela. Nous prenons feuille au printemps, toi tu es plein de piques. Puisque tu es différent, tu dois être méchant. C'était un petit sapin, pique, pique, pique. C'était un petit sapin, pique, pique, bien. Mais quand l'automne s'en vint, que les feuilles jaunirent, ils essayèrent en vain de rester sous le pin. On vit le petit sapin, tranquille et sans rien dire, se dresser près du chemin, du vert chaque matin. C'était un petit sapin, pique, pique, pique. C'était un petit sapin, pique, pique, bien. Sous la neige au nouvel an, on le trouva superbe. Et s'il en fut bien content, ne changea pas pourtant. Et quand vint le mois de mai, son ombre était sur l'herbe. Pas plus grande, mais jamais de lui on ne rit. C'était un petit sapin, pique, pique, pique. C'était un petit sapin, pique, pique, bien. Si l'histoire finit bien, c'est qu'à propos de feuilles, on peut encore, c'est certain, accepter son voisin. On pourrait aussi l'aimer, à condition qu'on veuille penser qu'on est tous plantés